We'll be right back. utilisée par le composé chimique Fatal a été abandonnée il y a plusieurs années. L'armée refuse d'en dire plus, si ce n'est que toute la trioxine a été détruite. 000 kilos de résine de cannabis. Valeur marchande, 40 000 euros. 10 000 comprimés. Un petit morceau de cette gélatine déclenche des hallucinations si fortes qu'elles provoquent souvent des troubles psychiques irréversibles. We'll be right back. wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready. Thank you. We'll be right back.

Thank you.